Chronique numéro 2. L'art du son. Dans l'ombre du son, chaque détail compte. Le son ne ment jamais. Didi & Co, spécial ingé son. Jeudi 5 février, 14h, Web Radio, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2. Du mixage au mastering, la science de l'impact. Les deux piliers. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de ce que vous entendez chaque jour sur 96.2 et ailleurs. Pourquoi certains morceaux vous transportent et d'autres vous fatiguent ? Tout se joue sur deux étapes cruciales. Le mixage et le mastering. Le mixage, c'est la sculpture de l'individu. On travaille piste par piste. On prend le kick, la basse, la voix. On taille, on nettoie, on égalise chaque élément séparément pour qu'ils cohabitent sans se marcher dessus. C'est ici que l'on crée la clarté. Le mastering, c'est la sculpture de l'image globale. Une fois le mix fini, on n'a plus qu'un seul fichier stéréo. On ne touche plus aux instruments, on sculpte l'atmosphère générale, le vernis final. On s'assure que le bloc sonore est solide et cohérent. Studio et live, c'est le choc des environnements. Le son ne voyage pas de la même manière dans un salon que dans une salle de concert. En studio, c'est de la chirurgie. On est dans un environnement stérile. On écoute au casque. On cherche la perfection du détail. On travaille sur la profondeur 3D. C'est un travail d'orfèvre où chaque milliseconde de réverbération compte. En concert, on cherche l'impact physique. On change de paramètres. Ici, on gère des murs d'enceinte et des watts. Le défi, c'est que la salle résonne, le public absorbe le son. La technique, on mixe plus serré, presque en mono, pour que tout le monde entende la même chose. On ne cherche pas la finesse, on cherche l'énergie qui tape au plexus sans faire larcéner les micros. Le streaming, c'est la dictature du loudness. Parlons de ce qui fâche. Pourquoi votre morceau préféré semble moins fort sur une plateforme plutôt qu'une autre ? C'est la fin de la guerre du volume qui a sonné. Avant, on écrasait le son pour être le plus fort. Aujourd'hui, les plateformes imposent la normalisation. L'unité REN, L-E-L-U-F-S, c'est la mesure du volume perçu par l'oreille humaine. La règle normalise à 14 LUFS. Si vous envoyez un son ultra compressé à -8 LUFS, l'algorithme de la plateforme de streaming va le baisser de force. Résultat, votre son sera plat et sans vie face à un morceau bien mixé à 14 LUFS, bien sûr, qui aura gardé toute son punch et sa dynamique. Conclusion, l'objet de l'émotion, en résumé, mixé, sculpté pour l'émotion piste par piste, masterisé, poliché, lustré pour le support, pour une image globale, un confort d'écoute général. Ne cherchez plus le volume à tout prix, cherchez l'équilibre, la finesse. Un bon mix reprise et respire, un mauvais mix s'étouffe. Gardez toujours un œil sur vos niveaux avec un plugin de mesure de loudness. Respectez l'oreille de votre auditeur, de votre public. Il vous le rendra. N'oubliez pas que dans mon émission de jeudi prochain, dans Didi & Co, ici même Arc-en-Ciel, je reçois à partir de 14h Sylvain S, qui est ingénieur du son live à la Philharmonie de Paris. Et là, il va y avoir du lourd. Merci de votre écoute. Et faites passer le mot. C'était Didier Enco. Le son chronique numéro 2. L'art du son chronique numéro 2.